La période des fêtes est un bon temps pour se faire de bons repas. À la boucherie François Ladoux, nous offrons tout ce qu'il faut pour vous accommoder pendant cette belle période. Une boucherie où la viande est de qualité et d'une fraîcheur irréprochable est servie avec le grand sourire. Tous les employés de la direction de boucherie François Ladoux sur 227 6e Avenue à Dolbeau-Missassigny vous remercient de votre confiance témoignée pendant l'année qui s'achève et vous souhaitent un très joyeux Noël et une bonne année. Boucherie François Ladeau au numéro de téléphone 418-276-4888. Ici Hugo Maltais, président de l'Association du hockey mineur de Robertval. En mon nom personnel et au nom du conseil d'administration, nous vous souhaitons un joyeux Noël et une bonne année à tous les jeunes, parents et bénévoles qui rendent possible les activités et merci de nous encourager. En ce temps des fêtes, le moment est vraiment propice pour penser aux gens qui font notre succès. Le propriétaire de Remorque 2000, M. Daniel Deschênes, et tout son personnel désire remercier sa distinguée clientèle et profite de l'occasion pour souhaiter un joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Tout besoin en remorque, c'est l'équipe de Remorque 2000 qu'il faut contacter, la référence au Saguenay-Saint-Jean dans ce domaine. Remorque 2000 au 643 rue Dequin à Dolbeau-Missassigny, au numéro de téléphone 418-276-9383 ou leremorque2000.com. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional en parlant de Maud Tremblay qui est revenu de Calgary. Quand même assez contente de sa performance au championnat junior canadien qui se sont déroulés en fin de semaine. Et dans un premier temps, Maud Tremblay explique qu'elle n'était pas très nerveuse à l'approche de la compétition. Ben, je dirais que j'étais nerveuse sur un point, genre, Calgary, c'était une grosse arena, mais sinon, pour la compétition telle qu'elle, là. Non, il n'y avait pas de stress partout qui arrivait ce qui allait arriver en même temps. Et dans un deuxième temps, Maud Tremblay explique qu'elle est quand même très, très contente de sa prestation. Oui, oui, je m'étais donné un top 20, puis mon coach m'avait donné environ un top 15, donc je suis contente d'avoir fait le top 15. C'est sûr que la compétition était forte là-bas, fait que je suis contente de ma 15e position. Okay. Et dans un dernier temps, Maud Tremblay explique qu'est-ce qu'elle a amélioré pour au cours des prochains mois. Ben, c'est sûr, essayer des nouvelles affaires, des nouvelles stratégies qu'on va travailler encore en entraînement. Puis après les fêtes, il y a une autre compétition, c'est les seniors là avec les okay. Vraiment les plus vieilles. Fait ça peut être une occasion aussi pour pratiquer des nouvelles affaires. Parlons du centre de ski de Toboski de Saint-Félicien. Ce matin, on a parlé avec Mme Sylvie Quentin, qui est la directrice générale du centre de ski de Toboski. Et il y a déjà beaucoup plus de neige de tomber que l'an dernier. Et évidemment, ça fait le bonheur de l'organisation du centre de ski de Toboski. Ben, c'est sûr que on a des canons à neige, mais cette année, les bordées qu'on a eues quand même assez tôt en décembre nous ont permis d'ouvrir le 10. Donc, quand on a ouvert, nous, le samedi le 10 décembre, il y avait seulement le Mont-Édouard dans la région là qui était déjà en fonction. Fait que si ça avait été seulement que des canons, ça aurait été beaucoup plus difficile. C'est sûr que ce qu'on a eu cet automne, au mois de décembre, c'est vraiment magique. Là, pour. Nouvelle surfaceuse devrait arriver au centre de ski de Toboski aujourd'hui. Et Sylvie Quentin mentionne que ça améliorera pas nécessairement les pistes. Ben, on avait quand même une très bonne surfaceuse, c'est juste qu'avec les années, c'est un petit peu moins fiable. Ouais. Je crois pas que ça va avoir vraiment un impact sur la qualité de la neige, peut-être un peu aussi par rapport à le conditionneur à neige là, qui est tout neuf puis que c'est la dernière technologie, il y aura sûrement ça sera sûrement un peu mieux, mais moi je dis que l'opérateur fait beaucoup dans la qualité de la glace. Et le fat bike est toujours en pleine croissance, explique Sylvie Quentin. Deux vélos, puis on a vraiment aménagé plus un sentier pour ça. Cette année, on a une douzaine de vélos en location, on a plusieurs kilomètres de sentiers là, qui sont entretenus, donc c'est vraiment... on peut dire que c'est très en développement chez nous, ce sport. OK. Est-ce que les centres de ski, c'est un peu comme les clubs de golf l'été? Ligue Saint-Pellet, il y avait des matchs qui nous intéressaient dans les différentes ligues. D'abord, on va parler dans la tome Haguin des Aiglons d'Alma 2-0 sur les Éperviers de Normandin. Et les Hurricanes de Massouillage ont gagné 5-4 dimanche contre les Éperviers de Normandin, toujours dans la classe A. Et dans le Pee-Wee Haguin des Éperviers de Normandin, 3-2 sur le Royal de Matabetchouan. J'invite à écouter la section entrevue de DanRadioSport.com. Hier, on a parlé avec Sébastien Morin, descripteur des matchs des Saguenayens. David Simard vient nous parler également de la compétition de personnel de vitesse qui a lieu à Calgary. On a également parlé avec Larry Smith, l'ancien président des Alouettes, pour parler des changements chez les Alouettes de Montréal. Le sport local et régional, à damradosport.com. On s'en occupe.